T'attends plus rien du matin jusqu'au soir sur ce petit mur et tu devines le désespoir, les joies, les peines et les rires de tous ces gens qui défilent très vite devant toi. Eh vieil homme, je parie que t'as plein d'anecdotes, plein d'aventures à raconter. Sur ce petit muret, j'aimerais m'asseoir et que tu me racontes ton histoire. Yeah, yeah, yeah, la, la, di, la, da, di, la. Yeah, yeah, yeah, la, da, di, la. Je veux tout savoir de toi, vas-y pépé, dis-moi. Comment t'étais tout petit, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Je veux tout savoir de toi, vas-y pépé, dis-moi. Comment c'était avant, c'était quoi tes rêves d'enfant? Qui a bien roulé sa bosse, qui connaît la vie et qui croit plus aux contes de fées. Il sait bien que tout le monde s'en fout de sa vie, de sa gueule, de son passé. Hé pépé, allez viens, je t'emmène dans le bistrot du coin boire un coup à ta santé. T'oublieras pas ta pipe et ton tabac, ton vieux béret, ta canne. Allez viens, on y va. Juste un vieillard qui a bien roulé sa bosse, qui connaît la vie et qui croit plus au conte de fées. Il sait bien que tout le monde s'en fout de sa vie, de sa gueule, de son passé. Et pépé, allez viens, je t'emmène dans le bistrot du coin boire un coup à ta santé. T'oublieras pas ta pipe et ton tabac, ton vieux béret, ta canne. Allez viens, on y va.